Quand on pense à l'étude de l'univers, on pense immédiatement aux télescopes qui nous permettent d'observer et de formuler des déductions ou des modèles sur l'espace qui nous entoure. Mais il existe une autre branche de l'astrophysique qui réalise elle aussi des performances impressionnantes, c'est l'astrophysique de laboratoire. Quelles sont les conditions de pression ou de température du cœur des astres? Comment expliquer les anomalies de certaines planètes ou de systèmes stellaires? C'est à ce genre de questions que l'astrophysique de laboratoire va tenter de répondre grâce à des lasers ou des expériences de chimie et ainsi nous permettre de lever ici-bas un coin du voile sur des mystères propres à l'univers lointain. Le cosmos dans le laboratoire, c'est l'univers expérimental qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler des enjeux nombreux qui entourent l'astrophysique de laboratoire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Koenig. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses, le LULI, à l'école polytechnique. À vos côtés, Stéphane Masdevet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la Côte d'Azur et l'auteur du livre « Les exoplanètes et la vie dans l'univers » paru chez Odile Jacob. Mais avant de débuter cette conversation, il est l'heure de retrouver celle qui chaque jour vous apporte le cosmos de l'actualité scientifique sur un plateau radiophonique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une annonce. Hier soir, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé le lancement du projet Maya Space développé par Ariane Group. Oui, l'idée d'Ariane Group, c'est de développer des mini-lanceurs réutilisables. Alors les mini-lanceurs, c'est ce qui permet de lancer de petits satellites à des prix très faibles par rapport aux lanceurs classiques. La France a d'abord investi dans les lanceurs de grande capacité, avec les fusées que l'on connaît, Ariane 5 et demain Ariane 6, qui peuvent lancer plusieurs tonnes en orbite. Le ministre de l'économie a donc annoncé hier que le prototype d'une mini-fusée réutilisable devrait être prête d'ici 2026, avec un premier vol prévu dans 4 ans. Comme les microsatellites se multiplient, Ariane Group se positionne dans cette nouvelle course technologique. Xavier Pascaud est directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il est l'auteur de l'ouvrage « Le Nouvel Âge Spatial » aux éditions du CNRS. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de projets qui existent, hein, de micro-lanceurs. On en a dans le monde entre 80 et une centaine. Alors évidemment, tous ces projets n'existeront pas, mais pourquoi aujourd'hui on a autant de projets? C'est parce que les petits satellites, peu coûteux, deviennent plus populaires. Il y a plus de capacité finalement pour ces petits satellites qu'avant. Et donc, on a un regain d'intérêt pour des lanceurs qui sont adaptés à ces petits satellites. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la concurrence aujourd'hui sur ce marché des micro-lanceurs, elle n'est pas encore très bien établie parce que ça reste une activité relativement marginale, commercialement parlant. SpaceX aujourd'hui développe des gros lanceurs, mais pas sur le marché du micro-lanceur. En revanche, ce qu'on voit, c'est l'intérêt de plus en plus grand pour la réutilisation. C'est-à-dire qu'on va utiliser un lanceur, et puis on va le faire revenir, comme le fait SpaceX aujourd'hui. On va le réparer un petit peu si besoin, et on va le réutiliser. Alors ça aussi, c'est dans l'ambition aujourd'hui d'Ariane Group, bien de non seulement de miser sur ces micro-lanceurs, mais éventuellement de tester des technologies de réutilisation pour diminuer les coûts. Vraiment, l'enjeu, c'est de faire que ces petits lanceurs soient d'un coût suffisamment réduit pour qu'ils deviennent intéressants de lancer quelques microsatellites en utilisant ces moyens réutilisables. Et aujourd'hui, dans la panoplie, on va dire, européenne, effectivement, on n'a pas investi dans le marché des micro-lanceurs, parce qu'on se pose quand même pas mal de questions sur la rentabilité de ce type d'investissement. Maintenant, compte tenu de la multiplication des projets, compte tenu de la nécessité aussi de maintenir une filière européenne qui soit finalement assez large et qui puisse accéder à des capacités élargies, hein, du petit satellite de quelques kilos à l'unité jusqu'au lancement de gros satellites de plusieurs tonnes, eh bien Ariane Group choisit de se positionner stratégiquement, je dirais. Il s'agit sans doute plus d'un positionnement stratégique qu'aujourd'hui d'un véritable outil commercial. Il reste que si les méga-constellations se multiplient, on aura sans doute besoin, par exemple, de remplacer régulièrement quelques satellites qui tomberont en panne. Et là, par exemple, un micro-lanceur réutilisable peut trouver son intérêt pour lancer quelques satellites, au lieu d'en lancer plusieurs dizaines, par exemple, pour remplacer ponctuellement des satellites qui sont tombés en panne. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez également réécouter le journal des sciences et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Un nouveau candidat est en lice pour le renouvellement de la présidence du CNRS. Oui, le président ou la présidente du CNRS est habituellement nommé par le gouvernement. Le mandat d'Antoine Petit arrive à sa fin, le 25 janvier 2022. Antoine Petit est candidat à sa succession pour un deuxième mandat, mais un nouveau candidat est en lice pour reprendre la tête du CNRS, Olivier Coutard. Ces cinq dernières années, il a été le président de la CPCN, la Conférence des présidents du Comité national, une structure représentative des universitaires et du personnel du CNRS. Une tribune signée par 1200 chercheurs soutient sa candidature. Ce serait la première fois qu'un candidat n'est pas proposé par le gouvernement, mais par la communauté scientifique elle-même. En bref toujours, selon une étude parue dans Nature Communications, il est dorénavant possible de décider du sexe d'une portée d'animaux. Oui, grâce à la technologie CRISPR-Cas9, les ciseaux génétiques, où l'enzyme Cas9 peut couper des morceaux d'ADN. Des chercheurs britanniques ont utilisé cette technologie sur des souris, sur le chromosome X ou Y du père ou sur les chromosomes X de la mère. Ils ont réussi à produire des portées entières de sourisceaux unisexes, soit avec exclusivement des mâles, soit exclusivement des femelles. Avec une efficacité de 100%, cette édition génomique n'a eu aucun effet secondaire sur les sourisceaux. Et enfin, selon une étude parue hier dans Current Biology, sur toutes les espèces aviaires, les oiseaux migrateurs ont un plumage plus clair que les autres. Et les chercheurs de l'Institut Max Planck ont étudié 10 000 espèces d'oiseaux. Ils ont découvert que chez les oiseaux migrateurs, qui parcourent de courtes ou de longues distances, il y avait une variation de coloration avec un plumage plus pâle. Les chercheurs ont ensuite testé la relation entre la luminosité du plumage et la migration. On sait que les oiseaux migrateurs volent plus haut dans la journée par rapport à la nuit pour chercher de la fraîcheur en altitude. Et encore une fois, c'est sûrement pour la thermorégulation que leur plumage est plus clair. Il permettrait de mieux réfléchir la lumière pour rester au frais et pour éviter la surchauffe. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Pour tenter de découvrir ces ingrédients indispensables à la vie et les conditions de leur arrivée sur Terre, Louis Dandecourt et Grégoire Danger se sont lancés dans un voyage in vitro. Plutôt que de parcourir des millions de kilomètres en quête d'échantillons de matière organique sur la surface des comètes, les deux scientifiques ont monté une expérience en laboratoire pour recréer le voyage d'une comète à travers le système solaire. En gros, on sait qu'une semaine dans le laboratoire va correspondre à 1 million d'années. Ce qui est intéressant dans l'approche expérimentale, c'est qu'on peut changer les conditions environnementales. On peut changer, par exemple, la température de l'eau, on peut changer la longueur d'onde du soleil imaginaire qu'on utilise. Il y a l'idée du voyage, ça a un petit aspect poétique, mais qui est quand même très très encadré sur un plan scientifique. Cette machine à remonter le temps va faire voyager une comète artificielle. La comète de laboratoire est en fait une glace semblable à celle présente au cœur des comètes lors de leur formation. Un mélange composé d'eau, de méthanol et d'ammoniac. Elle va circuler dans un réacteur chimique qui simule le vide de l'espace et sa température, moins 200 degrés Celsius. À l'intérieur, la glace est soumise aux ultraviolets d'un soleil artificiel formé par un plasma d'hydrogène qui va transformer les molécules initiales en molécules simples pour qu'elles puissent ensuite former de nouvelles combinaisons. Pour simuler le rapprochement de la comète et du soleil, la température à l'intérieur du réacteur augmente. Elle approche bientôt des températures qui environnent la Terre. Des bulles apparaissent dans le réacteur, l'eau se sépare de la glace. Il ne reste bientôt plus que de fines gouttelettes dans le réacteur. Elles contiennent les nouvelles molécules formées. Voilà, on commence avec Stéphane Masvet, avec l'un des deux pans majeurs de l'astrophysique de laboratoire, l'astrochimie, l'étude des éléments chimiques qui composent notre cosmos. Ça n'est pas votre spécialité, ni à vous, ni à Michel Koenig, mais on pouvait difficilement faire l'économie de mentionner cette branche-là. Expliquez-nous un petit peu l'intérêt de cette grande branche-là que représente l'astrophysique chimique, l'astrochimie dans l'astrophysique de laboratoire. Oui, je pense que c'est un très bon point de départ pour parler d'astrophysique de laboratoire parce que ce sont les premières expériences qui ont été mises au point et le principe est toujours le même, c'est-à-dire d'essayer de contraindre, d'obtenir les propriétés physiques dont on aura besoin pour simuler ou pour décrire des objets astrophysiques. Mmh. Et donc dans les expériences d'astrochimie dont on vient d'entendre parler, donc c'est Louis Dantecourt qui a fait beaucoup de travail, qui est très connu autour de ces expériences où ils essayent de comprendre la chimie qui se passe à la surface des comètes en reproduisant, comme il a été expliqué, les conditions que l'on imagine et de rayonnement et de température et de vide que l'on aurait autour d'une comète. Mmh. Michel Koenig, on entendait parler dans cet extrait de, je l'ai pas dit, d'un reportage du CNRS qui date de janvier 2021 d'astrochimie. Est-ce que c'est ça l'origine de l'astrophysique de laboratoire, cette compréhension des éléments chimiques de l'univers? Est-ce que vous pourriez nous tracer en tout cas un petit peu l'histoire de cette discipline de l'astrophysique du laboratoire? Je suis plus spécialiste de l'astrophysique de laboratoire utilisant des lasers de puissance. Alors pour ce qui concerne l'astrochimie, je suis pas tellement spécialiste, mais pour ce qui concerne l'astrophysique de laboratoire autour des lasers de puissance, c'est une discipline qui a 25 ans, qui a été lancée en 1996 pour répondre à la problématique de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces énormes lasers que sont le NIF, par exemple, aux États-Unis ou l'LMJ. On y viendra bien sûr à ces lasers-là et aux expérimentations qu'on peut mettre en place avec ces outils-là. Stéphane Masvel, l'idée de départ qu'il y a derrière l'astrophysique de laboratoire, c'est quoi? C'est de contraindre les modèles, c'est d'aller gratter un petit peu les calculs qu'on a développés autour du cosmos qui nous échappe pour essayer d'établir des vérités sur ce qui nous entoure? Oui, c'est ça. Je pense que c'est très lié à l'aspect, la différence qu'on peut faire entre astronomie et astrophysique. C'est-à-dire l'astrophysique, c'est vraiment l'idée d'utiliser des modèles physiques pour comprendre et décrire soit des phénomènes, soit des objets astrophysiques. Et l'astrophysique de laboratoire, donc, vient chercher ces quantités fondamentales, qu'on parle du comportement de la matière, des réactions chimiques dans des environnements extrêmes, le comportement de la matière à haute pression, à haute température, le comportement de la matière soumise à des rayonnements intenses. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les quantités physiques dont vous avez besoin pour décrire ces objets qui sont dans des conditions thermodynamiques particulières. On évoquait ce pan donc de l'astrochimie et notamment qui va étudier même les conditions d'apparition de la vie, la chimie prébiotique. Ça, c'est aussi un pan très très intéressant. On y avait consacré plusieurs émissions. Michel Koenig, on va revenir quand même à votre spécialité, l'astrophysique liée au plasma dense. Avant de parler des lasers qui sont aujourd'hui des outils particulièrement utilisés en astrophysique de laboratoire, on a étudié ce qu'on appelait des cellules à enclume de diamant. En quoi est-ce que ça a été les prémices, ça, de l'astrophysique de laboratoire et comment ça fonctionne une cellule à enclume de diamant? La cellule à enclume de diamant, elle consiste en fait à contraindre un échantillon entre deux diamants qui sont taillés et de les monter à des très hautes pressions. Typiquement, actuellement, on arrive à environ 4 mégabars, c'est-à-dire 4 millions d'atmosphères. Et pour reproduire des intérieurs planétaires, on les chauffe avec des lasers à des températures qui sont typiques de celles qu'on peut rencontrer dans ces intérieurs de planètes. Alors les atouts majeurs dans ce domaine, concernent plutôt les géosciences. Stéphane, tu es d'accord avec moi, puisqu'on dépasse pas trop 4 mégabars, donc 4 millions d'atmosphères, alors que pour les intérieurs de planètes géantes, style Jupiter, dont on parlera un peu plus tard, là, on atteint des pressions beaucoup plus importantes et donc là, il faut d'autres outils pour pouvoir y accéder. Mais ça a vraiment été, oui, la conjonction entre ces enclumes de diamants et donc préconditionner les échantillons et l'apport des sources X telles que les synchrotrons a apporté des informations très importantes pour décrire ces situations-là. Stéphane Masvel, les cellules à enclume de diamant étaient donc aux prémices de l'astrophysique de laboratoire. Elles ne sont pas tombées en désuétude, elles sont beaucoup utilisées en géosciences pour comprendre l'intérieur des systèmes planétaires, mais aujourd'hui, les lasers les ont un peu supplantées. Alors, disons que c'est complémentaire, c'est-à-dire que les cellules à enclume diamant, donc c'est l'astrophysique de laboratoire au sens large, c'est-à-dire que là on inclut la géophysique oui. dans la partie astrophysique, et c'est vrai qu'avec des cellules à enclume diamant, par exemple, vous pouvez reproduire toutes les conditions que vous avez dans le manteau terrestre. Donc ça permet de comprendre comment la matière va se comporter lorsque vous allez creuser à l'intérieur de votre planète, jusqu'à l'interface manteau, c'est-à-dire silicate-fer, et au-delà. Donc je crois que c'est des méthodes qui sont très précises. Les lasers permettent de détendre l'exploration du diagramme de phase en pression et température. Comme nous disait Michel, à l'intérieur de Jupiter, vous avez 40 mégabars, alors qu'à l'intérieur de la Terre, on en est à... 4-5. Ouais, c'est ça, 4-5, c'est-à-dire un ordre de grandeur en dessous. Donc les cellules enclume diamant, elles sont dans leur limite, à la limite de ce que l'on a pour l'intérieur de la Terre. Vous avez besoin de laser pour aller, si vous faites des super-terres par exemple, ou si vous regardez des planètes géantes, c'est-à-dire pour accéder à des conditions de pression et de température beaucoup plus élevées qui correspondent à des planètes beaucoup plus grosses en fait. Puisqu'on parle des lasers, on va y venir dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et oui, les lasers, c'est une révolution dans cette jeune discipline qu'est l'astrophysique de laboratoire. Michel Koenig, expliquez-nous un petit peu en quoi a consisté l'introduction de ces équipements-là dans l'astrophysique de laboratoire et quel a été l'apport premier des lasers pour ces études-là. Si on remonte sur l'évolution des lasers de puissance, elle s'est faite quand même pas autour de l'astrophysique de laboratoire, mais par les recherches liées à la fusion par confinement inertiel. Mmh. Mais évidemment, tout ce qui, toutes les processus physiques qui sont sous-jacents à la fusion par confinement inertiel, on les retrouve en astrophysique, que ce soit. Alors la fusion par confinement inertiel, en gros, c'est l'étude des plasmas, si je dis pas trop de bêtises. Pas seulement, non. C'est essayer de faire de l'énergie à partir d'un plasma d'hydrogène. Donc tous les processus physiques qui sont sous-jacents à cette recherche, on les retrouve en astrophysique pour certains. Et donc. Et ça a été naturel d'aller et d'essayer d'utiliser ces lasers intenses pour l'astrophysique. Alors parlons des plasmas, puisque j'y tiens à ce sujet et qu'il a une importance clé quand on parle d'astrophysique de laboratoire. Déjà, on parle de quoi quand on parle de plasma et comment les lasers vont pouvoir mener en tout cas des expériences autour de ces plasmas-là, Michel Koenig. Le plasma, c'est un milieu qui est ionisé, donc ça veut dire qu'on n'a plus affaire à des atomes neutres, mais on a arraché des électrons. Et ça représente environ 99% de la matière dans l'univers. Donc évidemment, c'est très important. Et les lasers permettent de justement, en déposant de l'énergie sur des temps brefs, de chauffer la matière et donc de l'ioniser, d'arracher des électrons, parce que les mouvements browniens, donc thermiques, arrachent les électrons. On peut peut-être parler du fonctionnement des lasers, justement, faire un petit peu de rappel pour nos auditrices et nos auditeurs sur le fonctionnement d'un laser. Et puis on va voir. Le laser, c'est une source lumineuse qui, pour atteindre des puissances importantes, est progressivement amplifiée. Donc on augmente la taille du faisceau laser pour pouvoir l'amplifier, parce que sinon on casse les éléments optiques, jusqu'à des dimensions très impressionnantes, comme c'est sur le NIF ou l'LMJ, où on a des faisceaux laser qui font environ 40 cm de diamètre, et il y en a sur le NIF, si je me souviens bien, environ 192. Mmh. Et sur le LMJ, ça sera environ 176. Et donc, on atteint une énergie nominale qui est actuellement sur le NIF, qui est d'environ 1,8 mégajoules, donc... Des sources extrêmement puissantes. Très énergétiques. Et donc, c'est là où on peut reproduire des situations d'astrophysique très énergétiques, sur lesquelles des lasers un peu plus modérés, comme celui qu'on a au laboratoire Lully, mais qui font beaucoup de sciences adjacentes, vont permettre d'essayer d'aller plus loin dans l'astrophysique de laboratoire. Il y a deux grandes familles, peut-être qu'on peut le mentionner, deux grandes familles de lasers, les lasers à impulsion longue et les lasers à impulsion courte. Expliquez-nous un petit peu la distinction entre ces deux grandes familles de lasers-là et qu'est-ce qu'elles vont nous permettre d'étudier de différent dans le domaine de l'astrophysique de laboratoire. Depuis les années 70, ce sont les lasers à impulsion longue qui ont prédominé jusqu'à la fin des années 90, grâce à l'apport de Gérard Mourou, qui a développé la technique CPA, on a pu développer des lasers qui ont des impulsions de l'ordre de... Oui, quand on parle d'impulsion longue, c'est des nanosecondes. L'impulsion longue, c'est nanosecondes. Oui, nanosecondes, c'est dans 10⁻⁹ oui. secondes. Et alors que les impulsions courtes, c'est en dessous de la picoseconde, c'est entre 10⁻¹² et quelques dizaines de 10⁻⁵ secondes. Et donc la physique abordée est un petit, je dirais pas complètement différente, mais quand même très différente. Donc tout ce qui est intérieur planétaire, intérieur stellaire, les flots de plasma à grande échelle, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et donc c'est par impulsion longue. Les impulsions courtes vont s'intéresser, et c'est des recherches qui commencent, parce que les installations laser avec suffisamment d'énergie telles qu'on a maintenant au laboratoire Lully, qui est le laser Apollon, vont permettre d'étudier leurs déplacements relativistes qui ne peuvent pas être étudiés par exemple avec des impulsions longues. Donc, quand on parle de plasma relativiste, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment à la vitesse de la lumière. Voilà, on fait des jets de particules, par exemple de particules neutres, électrons, positrons, qui sont générés par exemple dans les pulsars et qui peuvent être générés avec ces lasers à impulsion courte tels que Apollon ou d'autres installations de par le monde. Mmh. C'est un pan de recherche complètement nouveau et qui est encore, je dirais, au balbutiement, mais qui est assez prometteur. Stéphane Masvet, sur ces deux grands types de lasers qui sont utilisés, et surtout sur les questions que ça vous permet de vous poser en lien avec des conditions extrêmes ailleurs dans l'univers. Ouais, bah alors là, vous avez une bonne description par Michel. C'est dur de compléter sur ces techniques laser. C'est vrai que si on revient un petit peu à l'histoire de la discipline, l'avènement des lasers impulsion longue, qui sont principalement utilisés pour la planétologie. C'est vrai qu'il y a eu une accélération dans les années 90-2000 avec les programmes de fusion par confinement inertiel. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu un bang à la fin des années 90, justement, où à mesurer le comportement de l'hydrogène dans une région qui n'avait jamais été explorée, c'est-à-dire en faisant un choc suffisamment puissant pour amener l'hydrogène moléculaire à des pressions et températures où il se dissocie et il passe plasma, il y a eu un comportement anormal qu'aucun des modèles n'arrivait à décrire, c'est-à-dire qui n'était pas anticipé. Donc c'est cette exploration qui a un petit peu canalisé beaucoup de forces du côté théorie, du côté expérimental, pour essayer de comprendre en fait comment l'hydrogène se comportait vraiment dans des conditions ressemblant à Jupiter. C'est intéressant que vous mentionniez l'hydrogène, parce que c'est un peu une molécule clé dans beaucoup d'études en astrophysique de laboratoire. C'est ça, c'est-à-dire que l'hydrogène, ça reste, c'est un problème physique fondamental. On se dit l'hydrogène, c'est le plus simple des éléments, donc si on n'arrive pas à faire l'hydrogène, on a probablement avoir du mal à faire autre chose que de l'hydrogène. Donc c'est bien de commencer par l'hydrogène. On a parlé des cellules enclume diamant, donc il y avait déjà beaucoup de travail avec les cellules enclume diamant pour essayer de comprendre comment l'hydrogène moléculaire, est-ce que quand ça se dissociait, que ça passait plasma, est-ce que c'était des transitions du premier ordre, du second ordre? Donc ça, l'hydrogène métallique, c'est toujours un sujet de pointe. Il y a toujours beaucoup de gens qui travaillent. Les équipes françaises d'ailleurs sont et des équipes françaises, pointe, des équipes autour de Paul Loubert, etc., qui font un travail remarquable sur ce thème. Et donc le pendant du côté dynamique avec les lasers, c'était d'essayer de voir comment l'hydrogène se comportait à ces très fortes pressions et de manière surprenante. Donc cette dissociation et ce passage du moléculaire vers un fluide dissocié et ionisé ne se passait pas du tout comme on l'avait anticipé. Alors pour arriver à reproduire les conditions extrêmes de certains phénomènes cosmiques, il faut, on l'aura compris, des technologies optiques de pointe. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Antoine. Vous êtes allé au Lully, à l'école polytechnique, pour visiter des installations qui permettent de créer en laboratoire ces conditions extrêmes. Et oui, en créant des plasmas qu'on retrouve dans les milieux stellaires, cœurs d'étoiles ou explosions de supernova, en laboratoire, il est possible de reproduire ce genre de plasma très dense et très chaud, alors non pas sur des dimensions cosmiques, mais à très petite échelle, grâce à des lasers intenses qu'on envoie sur des cibles. J'ai rencontré vos collègues Michel Koenig, Thomas Zohansi, Alice Fazzini et Vincent Lelasseux qui m'ont emmené en salle d'expérience pour découvrir à quoi ressemblent ces instruments qui sont capables, localement et furtivement, de générer des phénomènes extrêmes. Le laser est fait de plusieurs composantes. Il est au départ généré au sous-sol dans une salle des laseristes où il y a le pilote. Cette première toute petite petite impulsion et ensuite amplifiée dans cette longue salle. Et avec des allers-retours, l'impulsion laser passe dans des milieux amplificateurs. Et au moment où elle passe, il y a une décharge de lampes flash qui va populer cette impulsion et donc donner plus en plus de photons. Et donc ce laser, à la fin, il va faire une vingtaine de centimètres. Et il va durer une nanoseconde. À la vitesse de la lumière, ça représente plus ou moins une trentaine de centimètres. Donc en gros, on peut l'imaginer comme un cylindre de 20 cm de diamètre et de 30 cm de longueur qui se propage à la vitesse de la lumière et qui entraîne une énergie de 1 kJ. Oui, donc là, du coup, c'est plus la partie sur laquelle je travaille où on atteint des intensités plus de l'ordre de 10 puissance 16, 17, 18. Et donc là, en effet, on crée des faisceaux de particules, donc typiquement des protons, qui peuvent également être transformés avec un convertisseur en faisceau de neutrons. Et à partir de là, on peut étudier tout un tas de réactions nucléaires qui peuvent... Ce qui est intéressant par rapport aux accélérateurs conventionnels, en particulier, c'est qu'on peut coupler ça à un autre laser pour chauffer une cible et donc avoir la cible sur laquelle va arriver le faisceau de particules sous l'état de plasma, qui est sous un état de plasma qui se rapproche plus donc, de ce qui se passe réellement dans les étoiles. Là où dans les accélérateurs, on est sur des cibles solides, ce qui nous reproduit. Il y a des corrections, mais du coup, ça ne reproduit pas exactement ce qui se passe dans les étoiles. Donc c'est un des avantages parmi d'autres possibles des lasers. Justement, à quel point on peut être proche des quantités en termes d'intensité ou d'énergie de ce qui se passe dans la réalité? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir donner des explications raisonnables? Alors, l'un des problèmes qu'on a en ce moment, surtout, c'est surtout en termes de quantité, parce qu'en effet, on travaille sur des durées très courtes, donc même si on a des intensités pics qui sont très grandes, on a des quantités qui sont moins importantes que les accélérateurs, par exemple. Mais du coup, l'idée, ça va être d'étudier des phénomènes astrophysiques où c'est justement cette intensité qui est très importante. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à des réactions qui pourraient arriver dans les supernovas et qui pourraient expliquer des choses que les accélérateurs, pour l'instant, ne peuvent pas expliquer. Je pense que ce sont des phénomènes violents et brefs dans le temps. Enfin, bref, toute proportion gardée, évidemment. Oui, dans le laboratoire, bien sûr, il s'agit d'événements très courts et très limités. On parle d'échelles de quelques nanosecondes et des échelles spatiales de 1 mm, quelques millimètres. Mais ce qui intéresse, c'est que la physique peut être soudée de la même façon parce qu'à la fin, il y a des paramètres adimensionnels qui sont similaires, qui sont comparables, qui font que la physique à la base de ces mécanismes soit la même. Donc là, on va entrer dans la salle d'expérience où trône la chambre expérimentale, qui est donc une enceinte de 1,50 m de haut, 2 m de diamètre à peu près. Et c'est là qu'on va atteindre un vide assez poussé pour pouvoir focaliser le laser. Donc la cible, elle est suspendue à un endroit? Elle est placée au centre de l'enceinte et c'est là qu'on focalise notre laser. Et c'est là qu'il va se passer les phénomènes qu'on veut étudier. Et suivant le type d'expérience qu'on veut faire, on va étudier avec différents diagnostics. Et la nature de la cible, elle dépend du phénomène qu'on veut étudier aussi? Oui, bien sûr, la nature dépend du phénomène qu'on veut étudier. Ça peut être des cibles solides, ça peut être des cibles multicouches, suivant le phénomène qu'on veut étudier et la contrepartie astrophysique ou géophysique qu'on veut étudier. Le laser est séparé de cette salle d'une part par sécurité et d'autre part pour avoir une partie contrôlée par la salle. Donc vous voyez les optiques sont assez impressionnantes, elles font plus que 20 cm de diamètre. Il y a deux hublots par lesquels notre laser va entrer et deux lentilles qui focalisent notre laser au centre de l'enceinte. Et comme vous voyez, il y a des miroirs qui ne semblent pas des miroirs parce qu'ils sont des miroirs à la longueur d'onde du laser. Le laser, il est à 1 micron de longueur d'onde, ce qui représente de la lumière infrarouge. Donc on ne la voit pas. Mais suivant les expériences, on peut dire ce qu'on dit, on double la fréquence du laser. Donc on divise par deux sa longueur d'onde et le laser passe alors dans une couleur vert qu'on peut voir aussi à l'œil. Quels seront sur ce dispositif les points d'amélioration pour augmenter la durée du plasma ou obtenir des plus gros volumes peut-être? Oui, en effet, ce type de laser, cette classe de laser existe depuis les années 80 et de plus en plus, on se rend compte qu'on a toujours un peu besoin de plus d'énergie. Et donc, petit à petit, on a toujours augmenté l'énergie du laser. Et c'est pour ça que aussi, on collabore avec le COA qui, au centre CESTA à Bordeaux, est en train de construire un énorme laser qui va avoir plus que 1000 fois l'énergie qu'on a ici. Donc, ici aussi, on teste beaucoup de tout ce qu'on pourra faire sur les énormes installations type mégajoule. Voilà pour ce reportage dans les entrailles du Lully à l'École Polytechnique. Une réaction à ce que vous venez d'entendre. On était un petit peu chez vous, Michel Koenig. Une réaction à ce reportage. Oui, avec mon ancien étudiant aussi. écoutez, oui, ils ont bien résumé un petit peu le quotidien qu'on a quand on fait des expériences laser. C'est assez prenant et ça demande aussi des compétences, non seulement des scientifiques qui font les expériences, mais aussi en amont les personnes qui délivrent l'impulsion laser dans les bonnes conditions. Donc il y a toute une équipe laser et de conduite de tir, plus tous les soutiens des équipes techniques dans les salles qui nous permettent de mettre en place nos expériences, nos cibles, de bien diagnostiquer l'ensemble des plasmas qui sont produits, que ce soit pour les intérieurs planétaires ou pour bien d'autres phénomènes astrophysiques que nous étudions au laboratoire. Quelque chose d'intéressant peut-être à décrire, même si on n'a pas l'image, à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est à quoi ça ressemble ces espaces de travail. Parce que quand on pense astrophysique de laboratoire, on pense à des installations énormes, on pense même, comme on pense tout de suite aux dimensions du cosmos, on a du mal à s'imaginer. Là, on entendait parler de ces dimensions du caisson, 1,5 mètre sur 2, c'est assez modeste finalement. À quoi correspond finalement une expérience type que vous réalisez dans votre laboratoire pour mettre à l'épreuve le cosmos? Eh bien, il y a deux échelles spatiales. Il y a l'échelle spatiale de l'enceinte à vide qui, typiquement, fait entre 1,50 m de diamètre et 2 mètres. Nous en avons deux. Nous avons deux salles d'expérience différentes. Elles sont suffisamment grandes pour pouvoir implémenter à l'intérieur, si besoin, un certain nombre de diagnostics pour pouvoir faire les mesures nécessaires et pour après se retourner vers Stéphane quand il y a besoin pour qu'il fasse les calculs attenants. Et puis la cible qui, elle, typiquement fait 1 ou 2 mm de diamètre ou de volume, et c'est des choses relativement petites. Et sachant que le faisceau laser, lui, est focalisé sur des dimensions beaucoup plus petites encore, qui peuvent être de l'ordre de 10 à 20 microns, jusqu'à quelques centaines de microns pour les expériences liées à la planétologie. Mais on a besoin de pointer ce faisceau laser à une dizaine de microns près pour être sûr de l'irradier, cette cible, au bon endroit. Comment on va faire les mesures sur des cibles aussi précises? Qu'est-ce qui va nous permettre de flasher, en gros, de figer le moment de l'impact et de l'expérience? Eh bien, sur le plan des diagnostics, il y a deux types de diagnostics. Il y a ce qu'on appelle des diagnostics passifs. Alors, on est dans le cadre de plasma chaud, donc ils émettent de la lumière. Et donc, suivant leur température, c'est de la lumière dans le domaine visible. C'est plus lié à la planétologie, donc ça émet plutôt une dizaine de milliers de degrés. Donc là, on a des diagnostics où on image ou on récolte la lumière qui vient de la cible, ou dans le domaine des rayonnements X, quand la cible est très chaude, plutôt de l'ordre du million de degrés. Et ça, c'est le diagnostic où on image la cible, on met un spectromètre pour voir éventuellement des raies d'émission, des choses comme ça. Et puis maintenant, depuis un très grand nombre d'années, je dirais au milieu des années 80, voire même avant, on a des diagnostics dits actifs où on a des faisceaux laser annexes qui permettent de sonder le plasma et donc d'aller en profondeur si possible. Et ça, les faisceaux annexes, alors ils sont dans... C'est des lasers qui sont moins énergétiques. Moins énergétiques, mais on a des lasers moins énergétiques, mais tout de même énergétique pour faire soit des sources visibles, des sources X pour radiographier la cible, par exemple, pour aller voir en profondeur comment se développe le plasma au cours du temps, ou maintenant, avec l'apport des impulsions courtes, qu'il y a toujours maintenant sur toutes les grandes installations laser, un faisceau ou deux faisceaux impulsion courte pour produire des particules. L'avantage des, enfin, et c'est le seul moyen de créer ces particules, c'est d'avoir des impulsions de très haute intensité, comme le disait Vincent dans le reportage. Et donc ces particules permettent de déterminer un grand nombre de paramètres qui ne peuvent pas être diagnostiqués avec des lasers à impulsion longue, en particulier par exemple pour mesurer les champs électriques ou champs magnétiques avec ces sources de protons, puisqu'ils sont déviés par le plasma, et par le champ électrique ou par le champ magnétique, et suivant comment ils sont quantité de déviation, on en déduit le champ électrique, le champ magnétique. C'est très important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces plasmas. Stéphane Masvet, une réaction au reportage, et vous, comment vous travaillez dans votre champ de recherche autour de ces données-là? Alors, moi, je fais principalement de la simulation. Mmh. Je regarde de loin comment sont ces expériences. Et c'est vrai que l'enjeu se trouve là. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure d'échelle. Maintenant, on arrive avec les supercalculateurs à faire des simulations quantiques. C'est-à-dire quand on veut comprendre le comportement de l'hydrogène au cœur de Jupiter, eh ben, on est capable de simuler l'ensemble des conditions à partir de la mécanique quantique. Et tout l'enjeu, c'est de contraindre ces simulations avec ces expériences. Et donc là, on parlait d'échelle tout à l'heure, mais les simulations que nous on fait, c'est quelques centaines d'angstrom. Oui, donc là, on est vraiment dans l'infiniment petit. C'est un peu la magie, je trouve, de ce domaine. C'est-à-dire qu'on fait des simulations de quelques centaines d'angstrom. On peut faire des expériences à côté où on a quelques centaines de microns. Et on essaie de décrire des objets comme Jupiter qui sont 300 fois la masse de la Terre. Donc c'est ça la magie, je trouve, de cette science-là. Mais donc les diagnostics sont importants parce que donc c'est des méthodes qui sont relativement nouvelles, hein, qui ont aussi émergé dans les années 90-2000. Et la question se pose toujours de savoir, quand on utilise une méthode qui a de bien fonctionner à conditions ambiantes, est-ce que c'est aussi précis pour décrire l'intérieur de Jupiter à 40 mégabars et 20 000 degrés? Et donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre, est-ce que cette méthode unique peut travailler partout? Et donc les expériences qui sont faites, et plus les diagnostics sont précis, plus on essaye de contraindre différents aspects de ces simulations. Et c'est vraiment là le cœur de cette interaction, c'est-à-dire d'un côté il y a des au moins en planétologie il y a des simulations qui sont relativement précises des propriétés de la matière. L'enjeu, c'est dans l'espace accessible avec les installations laser, c'est de pouvoir essayer de les contraindre. Et une fois qu'on a tout ça, on peut aller jusqu'au domaine complet couvert par les intérieurs planétaires pour décrire les planètes. C'est ça qui est vraiment intéressant dans cette discipline, l'astrophysique de laboratoire, c'est qu'il y a une grande complémentarité avec, là on entendait par exemple aussi dans le reportage, avec les lacunes des accélérateurs de particules qui ne peuvent pas éprouver certaines questions. Là, l'astrophysique de laboratoire a vraiment son rôle à jouer. Souvent, ce que évoquait Vincent, c'est que lui, il s'intéresse dans le cadre de son doctorat à la physique nucléaire, mais en environnement plasma. Donc, et ça, pour les accélérateurs, on peut faire des sources de neutrons, mais on n'a pas d'environnement plasma. Et là, et dans l'univers, quand il y a des neutrons qui se déplacent, il y a un plasma souvent à côté. Et là, c'est tout l'apport qu'on pourrait amener. Alors, c'est des recherches qui débutent. Hein, c'est vraiment des choses un peu nouvelles et qui vont certainement se développer au cours des années qui suivent. Restez avec nous, parce que après avoir détaillé les dispositifs dont on a besoin pour réaliser des études en astrophysique de laboratoire, on va en venir bien évidemment aux apports concrets de ces études de plasma sur la compréhension de notre univers. Ce sera juste après ça. By the river, I see you dancing on the wooden boards, but you can't dance with me. I see you searching for my eyes, and this cockfighter is looking around. Couldn't count to three, but I jump ship right before it starts. All this cockfighting's like a living art. I wouldn't dare, it seems, but I'm a guardian man. And see my pain when it comes to speaking to the wild girls standing by the river. I see you touching a lot of heavy hands. I see you sinking on virgin lands. And I can't sing with you. And I reach in my shifty eyes. And the cockfighter is coming around. But I won't fight with it. I'm a silent man. Cockfighter par Inigo Birds dans La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui d'astrophysique de laboratoire et de plasma avec nos invités Michel Koenig, directeur de recherche CNRS au laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses, le LULI, à l'école polytechnique. Nous sommes également en compagnie de Stéphane Masvet, directeur de l'Observatoire de la Côte d'Azur et auteur du livre Les exoplanètes et la vie dans l'univers, paru chez Odile Jacob. Alors, il faut peut-être donner maintenant plusieurs exemples pour illustrer à quel point l'astrophysique de laboratoire est complémentaire des observations, des modélisations, des simulations, et peut apporter des éléments de réponse à des énigmes que seules ces observations et ces modélisations ne parviennent pas à résoudre. Stéphane Masvet, j'aimerais peut-être qu'on parle un petit peu de votre champ de recherche, la planétologie, et d'exemples canoniques que sont ces géantes gazeuses Jupiter, Saturne. En quoi est-ce que ces immenses planètes nous résistent encore dans leur compréhension, et que va pouvoir leur apporter l'astrophysique de laboratoire dans leur compréhension? Oui, et je trouve que, justement, si on démarre par Jupiter, Jupiter, c'est le bon exemple de la boucle qui existe entre astrophysique de laboratoire et observation en planétologie, puisque dans les années 50-60, on utilisait Jupiter pour tester les équations d'état, c'est-à-dire nos lois de comportement de l'hydrogène à haute pression, haute température, en regardant est-ce qu'on avait plus ou moins le bon rayon. Et les choses se sont affinées en termes d'observation de Jupiter. Il y a beaucoup de questions qui se posent à l'heure actuelle sur la taille du cœur. Est-ce que le modèle de formation de Jupiter et bien qui consiste à avoir un cœur qui accrète très rapidement de l'hydrogène et l'hélium. Donc il y a beaucoup de questions fondamentales liées à la formation de Jupiter et à la structure de Jupiter. Et donc il y a une sonde actuellement, donc Juno, qui regarde très précisément le champ gravitationnel de Jupiter pour essayer vraiment de contraindre les intérieurs et d'essayer de comprendre un petit peu la répartition des éléments lourds et des éléments légers dans Jupiter. Et pour interpréter donc ces missions spatiales, vous avez besoin donc d'un autre côté de faire des modèles de Jupiter relativement précis. Et donc les modèles de Jupiter sont très liés au comportement de l'hydrogène et de l'hélium, si on regarde l'enveloppe, à haute pression et température. Et donc tout à l'heure on parlait de la façon dont quand on est du côté de l'atmosphère, donc on a de l'hydrogène moléculaire, mais quand on va rentrer dans Jupiter, ça va se dissocier avec la pression et la température, ça va s'ioniser, ça va faire une soupe assez compliquée à l'intérieur de Jupiter, et suivre ce comportement de l'hydrogène va changer les flux convectifs à l'intérieur de Jupiter. Et donc, par exemple, le gros sujet qu'il y avait pendant des décennies, c'était est-ce que la métallisation de l'hydrogène à l'intérieur de Jupiter, c'est une transition du premier ordre ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que d'un seul coup, l'hydrogène est moléculaire et se casse et devient métallique ? Et ça, c'était donc les modèles de Jupiter s'appuyaient sur cette transition du premier ordre pour faire des séparations à l'intérieur de l'enveloppe de Jupiter et faire des modèles à partir de ça. Et donc d'améliorer l'équation d'état et les comportements de l'hydrogène grâce aux expériences de laboratoire a montré que ça c'était pas nécessairement le cas, donc à affiner ces modèles de Jupiter et à l'heure actuelle donc pour décrire les mesures de Juno, c'est-à-dire la variation du champ gravitationnel autour de Jupiter, donc les moments gravitationnels autour de Jupiter, on voit que c'est extrêmement sensible aux équations d'état que l'on calcule et que l'on déduit ou que l'on contraint avec ces expériences de laboratoire. Alors j'ai une question un petit peu naïve qui va vous peut-être vous sembler un petit peu naïve, c'est qu'on a priori un seul jeu d'observations, c'est celles qui nous parviennent par exemple de Juno. Comment est-ce que on va tordre un petit peu ces observations-là, à partir de voilà de quel nombre de modèles on va pouvoir s'estimer en face d'une vérité en matière d'astrophysique, justement, quand ça concerne par exemple Jupiter. Mais alors justement, le problème, c'est que c'est un problème dégénéré. C'est-à-dire que quand vous essayez de regarder Jupiter, vous pouvez avoir différents... Parce qu'il y a de l'hydrogène, mais pas que. Il y a aussi de l'hélium, il y a aussi un petit peu d'eau, il y a aussi un noyau, et vous pouvez regarder différentes combinaisons de séparations paramètres qui vous donnent plus ou moins les observables. Et plus vous avez des observables en planétologie précise, et plus vous levez ces dégénérescences sur les modèles d'intérieur de Jupiter. Et donc, plus vous avez besoin d'équations d'état précises pour être sûr que, si vous avez très bien contraint l'hydrogène et si vous avez très bien contraint le comportement du mélange hydrogène-hélium, qui est quand même au cœur de ces planètes géantes, et du coup, vous pouvez vous réfléchir à la planétologie, aux aspects hydrodynamiques de la planétologie, être sûr que vous n'êtes pas en train de vous leurrer avec des mauvaises propriétés physiques. On évoque Jupiter, on peut peut-être évoquer sa petite grande sœur Saturne, et qui a aussi quelques anomalies, qui présente quelques anomalies notamment de luminosité. Comment l'astrophysique de laboratoire va pouvoir éprouver cette anomalie-là? Justement, alors il y a eu des. On parlait du groupe de Paul Loubert, qui a aussi fait une publication justement avec des expériences. C'est enclume diamant et laser, si je me trompe. C'est ça, voilà. Donc, couplage enclume diamant et laser pour pouvoir se rapprocher plus des conditions thermodynamiques au cœur de ces planètes. Donc c'est des grosses techniques qui sont développées depuis une quinzaine d'années. Et Paul Loubert en France, c'est. Un des pionniers. Voilà. Et une des questions sur Saturne, effectivement, c'est, on sait depuis très longtemps que Saturne a une luminosité deux fois plus importante qu'elle devrait avoir, puisqu'en fonction de son âge, on pense que c'est une planète qui a 4 milliards d'années, mais quand on regarde sa luminosité, elle a une luminosité qui correspond à une planète de 2 milliards d'années. Et depuis les années 70-80, un des paradigmes qui est mis en avant, c'est que ce ralentissement de refroidissement serait dû à l'immiscibilité, le fait que l'hydrogène et l'hélium se séparent, comme l'huile et le vinaigre, et cette séparation, formant des gouttelettes, ralentirait la baisse de luminosité en fonction du temps de Saturne. Donc ça, c'est un modèle qui a été avancé fin des années 70-80 par Stevenson. Et donc la seule façon, donc soit vous dites, je crois qu'il y a de l'immiscibilité, je mets ça dans mon modèle et je retrouve le bon comportement de Saturne, ou alors vous allez dans le laboratoire et vous dites, je prends mon mélange hydrogène-hélium, là pour le coup avec des cellules en clim diamant et des lasers de puissance, et je regarde vraiment si on a bien de l'immiscibilité aux conditions correspondant aux intérieurs. Et on peut extrapoler à partir de ces micro-échelles dans le laboratoire. Michel Koenig, on parle de Saturne, de Jupiter, mais l'astrophysique de laboratoire ne s'intéresse pas qu'aux anomalies de ces planètes, elle s'intéresse également aux étoiles de tout type. On peut peut-être commencer, par celles qui vous intéressent, peut-être les systèmes binaires. Je crois qu'il y a certains systèmes binaires d'étoiles, comme ceux qui unissent les géantes rouges et les naines blanches, qui posent pas mal de questions, notamment en matière d'accrétion. Expliquez-nous comment, en laboratoire, vous allez les triturer, ces systèmes binaires. C'est les systèmes binaires tels que vous avez décrits, c'est-à-dire géante rouge qui est liée à une naine blanche. Et bien, suivant le champ magnétique qui existe autour de la naine blanche, il y a différents systèmes d'accrétion. Il y a une accrétion classique et rotation autour de la naine blanche, donc la matière accrétée de la géante rouge est en rotation et s'accrète directement sur la naine blanche. Mais il y a aussi des systèmes binaires qu'on appelle des polars, où le champ magnétique est suffisamment intense et important, où c'est plus une accrétion circulaire, mais par une colonne, c'est-à-dire que les lignes de champ contraint la matière à arriver comme une colonne. Donc vous avez un flot de plasma qui vient sur la colonne et sur la photosphère de la naine blanche. Et donc, c'est des choses que nous avons étudiées récemment en laboratoire. Et pour contraindre justement cette colonne, on a été amené à mettre en place un dispositif permettant de magnétiser le flot de plasma, donc de mettre, d'ajouter donc au laser de puissance et en dehors de l'enceinte un énorme pulseur qui permet de délivrer une grosse tension et beaucoup d'ampères dans une bobine qu'on appelle une bobine de Helmholtz et qui génère un champ magnétique, et ce champ magnétique est généré autour de la cible et donc a permis de collimater cette colonne, et on a fait pas mal d'expériences là-dessus, et on a montré que on générait un choc retour comme c'était prévu, et on a cherché à voir les oscillations qu'il pouvait y avoir dans ces systèmes, mais c'était en dehors des possibilités des diagnostics que nous avions à l'époque. Vous ne vous arrêtez pas là, vous travaillez aussi, je crois, sur les explosions de supernovae, qui atteint des... Voilà, c'est les supernovae, les quasars, tous ces systèmes-là sont un petit peu énigmatiques encore. Voilà, les supernovae, c'est ce que qu'un collègue américain a appelé la mort et la naissance des étoiles, parce que dans la séquence des supernovas à effondrement de cœur, on a donc cette étoile qui meurt, hein, le cœur s'effondre, et il y a de la matière qui est éjectée de la supernova, qui va rencontrer le milieu interstellaire, développer des instabilités hydrodynamiques, un choc qui va continuer à se propager, puis ce qu'on appelle une onde de souffle, et cette onde de souffle, très loin, va interagir avec des nuages moléculaires ou des amas denses, et générer en interagissant avec, génère un choc dans ces amas, ces nuages moléculaires ou ces amas denses, et serait les germes de proto-étoiles, donc par condensation gravitationnelle, referait des étoiles. Donc c'est à la fois la mort et la naissance des étoiles. Donc nous avons étudié certaines parties de cette explosion de supernova depuis une dizaine d'années. Stéphane Masvet, Michel Koenig parlait à l'instant de reproduction de champs magnétiques autour de ces systèmes binaires. On ne s'arrête pas là, je crois, dans l'astrophysique de laboratoire. On pense même à étudier les différences de champs magnétiques entre les galaxies elles-mêmes. Est-ce que il y a des limites dans les échelles qu'on peut reproduire en astrophysique de laboratoire ? Est-ce que tout l'espace peut être mis dans une éprouvette, dans un petit caisson d'un mètre sur deux, ou pas du tout? Alors, je crois qu'il y a un point important à faire, c'est il y a un peu deux grandes familles d'expériences d'astrophysique de laboratoire. Il y a celles qui reproduisent exactement les données physiques de pression, température, où là on va essayer d'avoir soit une opacité, soit une équation d'état, c'est-à-dire un comportement de la matière dans ces conditions. Et puis il y a des expériences comme dont celle Michel vient de parler, qui sont par analogie, c'est-à-dire qu'on fait des expériences à d'échelle réduite, et à partir, alors qui sont déjà alors soit en champ magnétique intense, soit sous radiation intense, mais des choses qui permet justement encore de valider les simulations, soit hydrodynamiques, soit hydrodynamiques radiatives dans des régimes fortement linéaires, et par des lois d'échelle, on essaye de se rapprocher des objets astrophysiques. Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut mettre tout l'univers dans un laboratoire? C'est-à-dire qu'on peut d'un côté s'approcher de conditions extrêmes qui existent dans l'univers, thermodynamiquement, et on essaye aussi de s'approcher de phénomènes fortement non linéaires, hydrodynamiques radiatifs, par analogie. Ce sont des lois d'échelle, puisque les équations de base qui sont de base pour étudier ces flots de plasma et leur dynamique au cours du temps sont les mêmes, que ce soit à l'échelle du laboratoire. Voilà. Et donc, par des lois d'échelle qui ont été établies par certains collègues, on peut passer d'un système à l'autre. Donc, tout ce qu'on mesure dans le laboratoire, et si ça respecte ces lois d'échelle, on peut en déduire des propriétés pour des échelles beaucoup plus grandes. Nous avons fait récemment des études de ce qu'on appelle les explosions de supernova d'instabilité dite de Rayleigh-Taylor, où on a très bien montré que ce qu'on avait observé, donc à l'échelle de 30 nanosecondes pour le temps et d'un millimètre pour la cible, correspondait exactement à la situation astrophysique, qui était de 10 puissance 8 cm et de 100 ans. Donc on a respecté ces lois d'échelle et on a pu montrer et faire des choses un peu nouvelles. Vous êtes des magiciens, vous réduisez l'espace, vous accélérez le temps. Non, c'est simplement des équations de base, des fluides. Je vous charrie. Stéphane Masvet, quels domaines de l'astrophysique sont aujourd'hui particulièrement en lien avec cette astrophysique de laboratoire? Quelles perspectives particulièrement prometteuses vous voyez dans ce domaine et dans ce secteur de recherche? Moi, je trouve que la planétologie, il y a encore beaucoup de choses à apprendre en planétologie, parce que on a parlé un petit peu des planètes du système solaire, mais on a quand même découvert beaucoup d'exoplanètes. Les exoplanètes qui ont des conditions qu'on ne connaît pas, sont beaucoup plus grosses. C'est-à-dire que si vous regardez une Terre et une super-Terre, il faut prendre toutes vos propriétés physiques que vous avez utilisées pour modéliser la Terre, il faut les étendre plus ou moins un ordre de grandeur en pression, au moins. Si vous voulez faire une super-Terre qui est dite masse terrestre, même chose pour les géantes. Donc en fait, il y a tout un terrain de jeu avec les exoplanètes qui s'est ouvert, où on a besoin d'affiner notre connaissance du comportement de la matière dans ces conditions extrêmes de plasma dense qui sont entre la physique du solide et puis les plasmas dilués. Michel Koenig, même question. Et puis vous, qu'est-ce que, d'un point de vue instrumental, vous attendez, vous souhaitez particulièrement voir arriver dans ce domaine de l'astrophysique de laboratoire en lien avec les lasers? Dans l'astrophysique de laboratoire, eh bien, c'est sûr que les grosses installations telles que le NIF ou le LMJ sont importantes. Elles délivrent pas suffisamment de tirs pour satisfaire la communauté et il faut faire du travail au jour le jour. Donc, on a besoin de ces installations intermédiaires et ce qu'on appelle intermédiaire, c'est le LULI 2000 et puis un autre laser. Au Japon, qui il y en a que deux de ce type de laser complètement ouvert, et donc ce que je souhaite, c'est que ça perdure, voire que ça devienne que ce soit bien soutenu par toutes nos tutelles. Mais dans le domaine de l'astrophysique de laboratoire, il y a la continuité de ces processus sur lesquels je travaille un peu plus maintenant, qui sont des processus d'hydrodynamique, avec champ magnétique ou pas, avec rayonnement ou pas, et puis les processus relativistes dont je vous parlais tout à l'heure, qui là on en est vraiment au début, et il y a tout un pan de physique nouvelle qui va s'ouvrir, avec les lasers ultra-intenses, que ce soit Apollon ou d'autres par le monde. Et là, il n'y a que des conjectures ou des calculs qui ont été faits en disant on pourra atteindre ce type de régime ou faire ce type de physique, mais il y a les premières expériences ont déjà eu lieu, ont montré qu'il y avait des choses possibles, mais là il y a encore une bonne dizaine d'années de recherche pour déjà arriver à faire des choses qui vont répondre aux besoins des astrophysiciens. Quelle question, justement, à quelle question ils vont répondre Il y en a beaucoup. Il y a celle de la physique nucléaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est celle qui permet de créer ces sources de protons qui, par un convertisseur, va donner des neutrons, des choses comme ça. Mais il y a aussi ces jets relativistes, particules neutres, électrons, positrons, en environnement plasma, magnétisés ou pas. Et tout ça, il y a tout un pan de recherches très intéressantes ou de plasmas non collisionnels qui sont très intéressants et qui relativistes, parce que des plasmas non collisionnels, non relativistes, on les a déjà fait avec des lasers à impulsion longue, mais relativistes, ça n'a pas encore été fait. Mais donc là, il y a quelque chose, c'est open. C'est comme les installations commencent à marcher. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui va être possible d'atteindre. Eh bien, on suivra en tout cas ces possibilités-là. Le ciel est la limite, comme disent les Anglais. Merci beaucoup à tous les deux, Michel Koenig, Stéphane Masved, de nous avoir parlé d'astrophysique de laboratoire aujourd'hui. Un grand merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Céline Nozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Natacha Triou, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Hugo Renard. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.